On va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec notre ami Yves Bolduc. Grosse annonce demain et je dois m'excuser auprès de Yves. Salut Yves! Salut Danny. Ouais, je dois m'excuser d'abord. J'ai pratiquement ri de toi quand tu m'avais dit Patrick Roy pour succéder à Philippe Boucher. J'ai parti à rire quasiment. Mais ce que je savais pas à l'époque... C'est que Patrick était revenu au Québec. Puis par après, il s'est montré un peu partout. Puis mettons qu'il n'a rien fait pour faire taire les rumeurs. Non, effectivement. Il n'aurait pas fait grands efforts pour faire taire les rumeurs. Puis moi, j'avais eu l'information comme quoi que ses contacts avec la Ligue nationale, c'était devenu de plus en plus difficile parce que Patrick veut occuper plusieurs fonctions, veut décider plusieurs choses. Puis c'est pas toutes les organisations qui sont prêtes à lui accorder ces responsabilités-là. Et puis plus le temps passe, là, Patrick Roy, c'est un gars que le hockey coule dans les veines. Alors, ouais. Même si les gens disent il n'y a pas besoin de ça pour vivre, il reste que c'est un gars qui a besoin de ça, puis ça devenait évident de plus en plus. Puis moi, à la conférence de presse, une déclaration que Jacques Tanguay a faite lorsqu'ils ont annoncé la démission de Philippe Boucher, qui, à mon sens, était un compromettement déguisé. Là. Ils ont simplement voulu protéger Philippe Boucher là-dedans. Là. Quand il a dit « on a accepté sa décision puis on n'a pas fait d'effort pour le convaincre de rester », là, ça m'a donné le signal qu'il y avait déjà quelqu'un qui était Patrick Roy, là, qui était dans le collimateur. Et puis, c'est un grand ami de Jacques Tanguay. Et puis là, on l'a vu de plus en plus avec Julien Gagnon, qui est le gouverneur des remparts, donc il se promène partout. Il était ici à Victoriaville hier, pour assister au match des Tigres, il va sûrement être ici encore ce soir. Alors, c'était devenu de plus en plus évident. Puis comme je te dis, moi, à mon sens, là, ils n'ont pas voulu faire mal à Philippe Boucher. Alors, ils l'ont protégé tout simplement en disant, regarde, tu vas annoncer ta démission. Mais ils savaient que Patrick était là. Parce que si on prend les événements, Philippe Boucher démissionne, puis le lendemain, on annonce Patrick Roy. Il n'y a personne qui aurait cru à la démission de Philippe Boucher. Tout le monde aurait dit, c'est le convidement de Philippe Boucher, ce qui est probablement réellement arrivé. OK. Mais faut rendre hommage à Patrick. Le gars n'a pas besoin de ça. Il a goûté à la Ligue nationale. Il s'en revient. Il va aller faire Québec-Rouyn-Noranda. Québec Halifax, Québec Saint-John, c'est incroyable là, comme Patrick. Là. Moi j'y rends hommage. Je trouve que c'est vraiment un passionné. Oui, mais Danny, effectivement, tu as raison, mais je vais te comparer ça un peu à toi. Regarde l'énergie que tu mets pour faire de la radio Internet, puis essayer de convaincre les gens d'être tes collaborateurs, puis le temps que tu mets là-dedans en dehors de ton travail. T'es pas obligé de faire ça non plus, mais tu le fais par passion puis tu le fais tous les jours. Alors, Patrick Roy, c'est la même chose. Si j'avais une deuxième prédiction à te faire, là, c'est que probablement que dans l'entente au cours des prochains mois, peut-être prochaines années, Patrick va tenter avec son groupe de racheter les remparts de Québec à Vidéotron. Parce que Vidéotron, vous savez tous que il y a des difficultés chez Québécois au niveau de TVA Sport, là, donc probablement que ça va leur permettre d'éliminer ce fardeau-là de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tout en gardant une association. Là. Mais je ne serais pas surpris là, qu'on nous annonce qu'ils vont reprendre un certain partenariat dans l'équipe. OK. Puis pour la Ligue junior majeur du Québec, c'est une grosse nouvelle. C'est vraiment là, parce qu'on dira ce qu'on voudra. Patrick Roy, il laisse personne indifférent. Moi, je pense que pour les remparts, c'est 2 à 3000 billets de saison de plus. C'est les remparts depuis, il y avait beaucoup de difficultés à se trouver un radiodiffuseur. C'était Cheese, la station universitaire à Québec qui radiodiffusait les matchs. Je pense qu'avec l'arrivée de Patrick, ça va au moins les billets de saison, il va se vendre beaucoup plus de billets de saison. Et partout dans les Jeux du Québec, Patrick, avec Alexis Lafrenière, ça va être des attractions. Tu sais, on va dire ce qu'on voudra. Exactement. Patrick, il vend. C'est le meilleur vendeur dans les Jeux du Québec. On va dire ce qu'on voudra, là. Exactement. C'est le même phénomène qu'on a déjà vécu dans les années 80 avec Mario Lemieux, qu'on a vécu dans les années 90 avec Alexandre Daigle et qu'on a vécu dans les années 2000 avec Sidney Crosby. C'est des gars qui remplissaient les arénas de la Ligue junior majeure du Québec. Et puis Patrick Roy, il n'y a pas de secret là. Les assistances au remparts avaient diminué de 4 à 5 000 spectateurs. Donc là, on peut s'assurer que ces gens-là vont revenir. C'est un gars qui est compétitif, donc il va prendre tous les moyens pour avoir une équipe qui va être compétitive à chaque année. Je dis pas que Philippe Boucher l'a pas fait, là, et que, comprenez-moi bien, là, mais Patrick, il y a des contacts, il y a des très gros contacts, puis les moyens sont là aussi. Et puis pour les autres formations, je pense entre autres au Saguenay, ben quel excellent timing que le retour de Patrick Roy pour une rivalité, alors que les Saguenay là, devraient avoir une bonne équipe pour les prochaines années. Oui, ça va être très intéressant à suivre. En tout cas, moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est mon chum Marc. C'est qui va arriver avec Marc Fortier, parce que Marc, c'est mon collaborateur de la Ligue nationale. Puis je prie petit Jésus qu'il reste comme adjoint à Patrick, parce qu'on va avoir les contacts en Montadie pour parler à Patrick. Fait que, c'est que tu penses qu'il va arriver avec Marc? Ça, là-dessus, par contre, j'ai aucune idée. Je connais pas les relations de Patrick. Je connais pas les besoins qu'il a. Je sais qu'au moment où il était l'entraîneur des Remparts, il avait une très grande confiance en Martin Laperrière, qui est maintenant l'entraîneur-chef du Blizzard du Séminaire Saint-François. Est-ce que Martin Laperrière va revenir comme entraîneur avec les Remparts? Je ne sais pas. Ça sera un dossier à suivre. Jacques Tanguay a bien dit là, que le sort des entraîneurs adjoints, ce serait la responsabilité du prochain entraîneur. Donc là, au moment où Patrick va annoncer son retour demain matin, là, est-ce qu'on saura ses adjoints à ce moment-là ou il prendra l'été pour leur en décider? J'ai pas d'idée là-dessus. En tout cas, j'ai pris le petit Jésus pour que Marc soit un des adjoints parce que j'aurai les bons contacts pour parler à Patrick. Je vais mettre donc je tiens à m'excuser d'abord parce que moi j'ai parti à rire quand tu m'avais dit ça. Les excuses sont faites. On va passer maintenant au final, au demi-final dans la Légion majeure du Québec. T'es à Victoriaville, poursuivre la série entre les Tigres et les Titans d'Acadie Batters. C'est 3-0 pour le Titan d'Acadie Batters. Il y a les Tigres se sont beaucoup mieux battus. Cette série-là, d'abord, comment est German Rootsoff? Moi, ça m'intéresse toujours parce que Rootsoff, qui est arrivé à Chicoutimi, il s'était vu comme le sauveur. Il y a même eu des augmentations de foule quand les Sags ont annoncé qu'ils s'alignaient. Puis pour moi, c'est une grosse déception dans les Jeux du Québec. Est-ce que Rootsoff, dans cette série-là, est-ce qu'on le voit? Pas plus qu'on le voyait avec les Saguenay. Danny, c'est un joueur qui fait partie de l'organisation du Titan Acadie Batters. Donc, il a un rôle qui est aussi important que celui de Jeffrey Viel, que d'Antoine Morin, tout ça, sauf qu'on le voit pas. Sa récolte de points est presque inexistante non plus. Je te dirais que dans cette série-là, là, c'est vraiment Antoine Morin, offensivement, qui est la bougie d'allumage du Titan. Puis le joueur qu'on savait tous qui était important, mais qui hier, entre autres, là, c'était extraordinaire de le voir, c'est le défenseur Olivier Galipeau. Écoute, pour te rendre ça un petit peu ridicule, là, je pense qu'il a joué 72 minutes sur les 60 qu'il y avait au programme hier. Il débarque pas de la glace. Quand des arbitres sifflent, il s'en va au banc, il s'assoit, puis dès que l'arbitre baisse sa main pour les changements de trio, il rembarque sur la glace. Donc, et son leadership aussi, j'imagine aussi. C'est sûr que son bagage d'expérience de 4 ans dans la ligue, il le transporte avec lui. Alors un gars de cette importance-là, là, c'est incroyable de voir l'impact qu'il a sur la brigade défensive du Titan qui est pas mauvaise, là, avec Noah Dobson, entre autres, et McIsaac, Hyven. Donc, une bonne brigade défensive qui est nettement meilleure que celle des Tigres jusqu'à maintenant. OK. 3-0. Qu'est-ce qui a pas marché du côté des Tigres? C'est l'attaque? Ben, offensivement, c'est sûr que le premier trio là, de Vitaly Abramov, Ivan Kozorenkov et Maxime Comtois est en panne sèche depuis la série contre les Olympiques de Gatineau, là, même contre les Voitures de Drummondville. C'est pas ce trio-là qui a fait gagner les Tigres. Là. C'était vraiment la performance du gardien Étienne Maupetit et la performance du troisième trio là, avec Jimmy Huntington, entre autres, qui avait permis aux Tigres de bien s'en servir. Il faut pas oublier également le joueur de 20 ans, là, Harwell, qui connaît toutes que des séries pour les Tigres, mais le premier trio là, connaît des difficultés. Ça a été un petit peu mieux hier, malgré l'absence de Vitaly Abramov. C'est sûr qu'ici, là, comme je te disais avant qu'on entre en onde, là, je suis dans un bar après-midi, puis j'écoute les partisans, puis c'est sûr qu'il y a une frustration là parce que Abramov a été suspendu pour un coup à la tête. Qui était, au jugement de plusieurs, là, l'équivalent de ce que Galipeau a fait dans le premier match à Batters contre Maxime Comtois, puis il n'a pas été suspendu alors qu'Abramov l'a été. Mais on ne saura pas jamais qu'est-ce qui aurait arrivé de toute façon s'il l'avait pas été. Je pense que c'est une nette domination de Cady Batters. Ils ont 13 buts donnés en 9 matchs. Alors, si vous calculez bien, là, il faut qu'Étienne Monpetit soit parfait pour que les Tigres puissent l'emporter. Okay. C'est sûr que ce soir, là, c'est do or die. Donc, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils donnent toute leur énergie. Mais la pente est très... Je pense que ça pourrait se finir en... Moi, j'ai l'impression que ça va se finir en 5. C'est drôle, hein? Ils vont gagner à ce soir, puis ils vont aller perdre... C'est pas un 2-3-2, là. C'est un 2-2-1, c'est ça? Oui, c'est 2-2-1-1-1. Okay. Donc, c'est le cinquième match serait de retour à Batters vendredi. La crainte des gens ici, là, ce que j'entends, c'est que les Tigres tombent dans l'individualisme ce soir pour tenter de sauver la face puis de remporter un match. Là. C'est une possibilité parce que c'est un club qui a démontré certaines aptitudes à faire ça durant la saison. Alors, est-ce que ce soir, tout le monde va vouloir se faire le héros puis que ça va mal tourner? C'est possible. Par contre, c'est une formation qui a souvent surpris. L'entraîneur Louis Robitaille disait hier qu'il avait très confiance en ses joueurs. C'est sûr qu'il pouvait pas dire le contraire, là, mais qu'il comptait sur deux joueurs qui avaient déjà fait... Le retour de 0-3 à 4-3 là, à Étienne Monpetit et Vincent Lanoux là, qui avaient réussi l'exploit contre le Drakkar de Bécomo il y a quelques années. Mais il reste que l'énergie manque et du côté de Batters, ben, ils n'ont pas de pression. Alors eux, ils n'ont pas de spectacle à donner et ils vont jouer un match très serré ce soir. Galipo, là, tu penses-tu que le Canadien va... Parce qu'on avait entendu parler, je sais qu'il y a eu un essai avec les Blackhawks de Chicago l'an passé, mais de la manière qu'il les domine, c'est sûr qu'en 20 ans, ça reste un 20 ans. Là. Mais on avait entendu dire que le Canadien était intéressé à lui. Tu penses-tu qu'il joue assez bien pour moi avoir un essai avec le Rocket? Ben moi, c'est vraiment un mystère parce que ce gars-là, depuis qu'il a 17 ans, même 16 ans, là, tout le monde en parle comme un joueur solide, qui n'a pas de faille, puis il n'y a personne qui s'est mouillé à le repêcher. Et là, il n'y a personne qui se mouille à le signer comme agent libre. Moi, je comprends pas ça du tout. Là. Est-ce que ça sera le Canadien? Je ne sais pas. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas non plus parce que dans le cas du Canadien, là, est-ce qu'on va le signer juste pour vendre des billets à Laval ou on va vraiment le signer parce qu'on veut le développer puis en faire un joueur qui pourrait éventuellement monter chez les professionnels? Ça, on le saura probablement jamais, là, mais moi, je m'explique très mal que ce joueur-là, qui est d'une qualité extraordinaire, n'ait pas signé de contrat encore chez les professionnels. OK. L'autre série. 2-1 pour l'Armada de Blainville-Beaubriand. Oui, et les Islanders de Charlottetown qui ont surpris l'Armada hier en prolongation. Et quand on dit surprendre, ben c'est qu'on met l'Armada favori dans cette série-là, mais ce sera pas la première fois que les Islanders surprennent parce qu'ils ne font que ça depuis le début des séries éliminatoires. Ils ont battu les Remparts de Québec. Ils ont ensuite surpris les Moussets d'Halifax en 4 matchs, ce qui a d'ailleurs coûté l'emploi à Jim McLeay ce matin. Là. Il a été congédié comme entraîneur-chef des Moussets d'Halifax. Et hier, les Islanders ont profité de leur retour à la maison pour remporter une première victoire dans cette série-là. Alors, ça sera à surveiller. Est-ce qu'ils réussiront à battre l'Armada? Plusieurs personnes ont des doutes, mais comme ils l'ont déjà fait dans les deux premières rondes, les possibilités sont bonnes. Il faudra voir ce soir là, qu'est-ce qui va se passer du côté de Charlottetown. Mais si jamais ça tombait 2-2, là, je pense que l'Armada deviendra un petit peu plus nerveux parce qu'il n'y aurait pas eu d'opposition autant depuis le début des séries. Ah, Yves, en terminant, je veux te faire... Tu étais bon dans ta prédiction à Patrick Arroy. Mon chum Sylvain Lefebvre, je dis mon chum, je ne le connais pas du tout, là, mais j'avais tellement hâte qu'il parte là, finalement. Écoute, là, maintenant, c'est assez, là. Ça fait 6 ans que tu fais pas. En 6 ans, tu as fait une fois une ronde en 6 ans, puis tu développes plus ou moins de joueurs. Maintenant, il faut passer à autre chose. Pis surtout qu'il y a de bons entraîneurs dans les Légions majeures du Québec. Qui tu vois diriger à Laval? Tout le monde pense que c'est Dominique Ducharme. Sauf que la semaine passée, Ducharme a dit qu'il y avait eu plusieurs offres, sauf le Canadien. Moi, je pense que ça devrait être Ducharme ou Joël Bouchard. Tu y vas pour qui, toi? T'as un gars comme Pascal Vincent également. Ouais, sauf que Pascal Vincent il est déjà sous contrat avec les Jets de Winnipeg et puis il a été nommé l'entraîneur de l'année dans la Ligue américaine. Éric Veilleux, donc, il ne bougera pas là-dedans, mais moi, mon choix, c'est Éric Veilleux. Ah oui? Oui, et je vais t'expliquer ça tout simplement parce que le directeur du développement des joueurs du Canadien s'appelle Martin Lapointe. Et Martin Lapointe, c'est un grand ami d'Éric Veilleux. Ils ont joué ensemble chez les juniors. Alors, je pense que Martin Lapointe va réussir à convaincre Marc Bergevin de lui confier les rênes de son club de la Ligue américaine. Et pas parce qu'ils choisiront pas Ducharme, c'est que Ducharme, il est plus intelligent que ça. Je pense qu'il va aller dans une autre formation. Le trip de s'associer aux Canadiens depuis les dernières années il a beaucoup diminué. Puis, il y a eu déjà des offres d'ailleurs, Dominique, l'an dernier, ça a passé très près avec la filiale des Blackhawks de Chicago. Alors, je pense que dans le cas de Dominique, là, ça va regarder pour une autre place qu'à Laval. OK. Yves, on se reparle, je ne sais pas si on va s'en parler vendredi. Évidemment, je n'étais pas en onde depuis une semaine, donc ça va faire un peu bizarre cette semaine. Là. Les collaborateurs vont changer probablement de place dans la plage horaire, mais on va s'en reparler, c'est sûr, la semaine prochaine, surtout avec l'annonce de Patrick Roy. Il n'y a pas de problème, et puis prends soin de toi. Yves Bolduc, notre collaborateur de la Ligue Junior Major du Québec.